Selon le journal d'internet sud-coréen Tongil News, la mairie de Séoul a abrité le 27 juillet, sous les auspices des gens pour la paix et la réunification, l'exposition des tableaux de peinture et des photos sous thème « Contre la disposition d'Assad, contre la réagression japonaise et dénucléarisation de la péninsule coréenne et conclusion de l'accord de paix ».